tant qu'il y aura des bars pour noyer son cafard. Tant qu'il y aura des bars, il y aura des couches tard. Tant qu'il y aura des routes, tous les désespérés. Tant qu'il y aura des routes, vivront sans se retourner. Tant qu'il y aura des filles pour aimer faire souffrir. Tant qu'il y aura des filles, il y aura des martyrs. Tant qu'il y aura l'amour pour assasier nos cœurs. Tant qu'il y aura l'amour, il y aura pleurs et bonheur. Tant qu'il y aura des hommes soumis par leurs semblables. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des misérables. Tant qu'il y aura des gens avides de pouvoir. Tant qu'il y aura des gens, il y aura du désespoir. Tant qu'il y aura du fric brassé autour de nous. Tant qu'il y aura du fric, il n'y aura que des fous. Tant qu'il y aura des riches, des pauvres dont ils se fichent. Tant qu'il y aura des riches, leurs voteront les miches. Tant qu'il y aura du vent pour agiter nos nuits. Tant qu'il y aura du vent, il y aura de la folie. Tant qu'il y aura des armes pour menacer nos gosses. Tant qu'il y aura des armes, il y aura des fausses notes. Tant qu'il y aura des clans pour juger leurs égaux. Tant qu'il y aura des clans, il n'y aura que des mots. Tant qu'il y aura du monde pour cracher dans leur soupe. Tant qu'il y aura du monde, ils l'auront dans la coupe. Des bancs pour t'aimer mon amour. Tant qu'il y aura des bancs, il y aura des toujours. Tant qu'il y aura des bois pour flâner en chemin. Tant qu'il y aura des bois, il y aura des demain. Tant qu'il y aura de l'eau pour se désaltérer. Tant qu'il y aura de l'eau, il y aura la beauté. Tant qu'il y aura le ciel pour les oiseaux en quête. Tant qu'il y aura le ciel, il y aura des poètes.